Radiomatique. Thank you. pour amorcer la transmission 4-5-5 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du trio américain Black Duck, de leur premier album homonyme qui est paru le 23 juin 2023. Nous entendions la pièce Delivery. Et c'est sur une nouvelle pièce du projet Humanoid que se poursuit sans tarder Audiomatic. Thank you. venons tout juste d'écouter la pièce Dispossession du projet canadien Orphex, composée pour le EP intitulé Blacklight. Et avant cela, c'était le projet Humanoid de l'artiste Brian Doggins, également un des deux membres de Future Sound of London, du tout nouvel album d'Humanoid intitulé Sweet Acid Sounds. Nous avons écouté la pièce Sirac. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le trio américain Troubled Gardens. s'agissait à Audiomatic de l'artiste américaine Julie Byrne. De son troisième album intitulé The Greater Wings, il est lancé le 7 juillet 2023. Nous avons présenté la pièce Hope's Return. Précédemment à Julie Byrne, c'était le groupe français Asylum Party. De son deuxième album Borderline, sorti en 1989, nous avons entendu la chanson Pictures. Et pour débuter ce bloc musical, nous avions droit au trio américain Troubled Gardens, qui n'a existé que de 1984 à 1985. De son mini-album Eden Revisited, sorti en 1985, nous écoutions sa composition Domination Dub. Audiomatic se poursuit sur la musique de la formation argentine El Corte. Thank you. return what is going to come and won't be satisfied by its killing. Audiomatique, nous venons de conclure cette séquence musicale avec la formation italienne Curlian Camera et sa pièce It Was Raining, tirée de l'album Schmerz, qui est paru en 1992. Avant cela, c'était la formation québécoise Handful of Snowdrops et la pièce Face to Face, tirée du premier album Land of the Damned, originalement publié en 1988 et qui a tout récemment été réédité par l'étiquette de disques montréalaise Le Backstore, également disquaire ayant pignon sur rue sur l'avenue des Pins à Montréal. Et avant Handful of Snowdrops, nous écoutions la formation El Corte et la pièce Cuero de Serpientes tirée du second album El Camino Contrario, paru en 1987. En conclusion de cette transmission 4-5-5 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de la formation anglaise The Smile, bien sûr menée par Thom Yorke et Johnny Greenwood de Radiohead et de Tom Skinner, entre autres batteurs du groupe Sons of Kemet, du mini-album Europe Live Recordings 2022, paru le 10 mars 2023, nous écouterons la chanson Feeling Pulled Apart by Horses, qui a été enregistrée lors d'un concert du groupe The Smile au Primavera Sound à Barcelone, en Espagne, à l'été 2022. Mentionnons que la chanson Feeling Pulled Apart by Horses a été composée par Radiohead et jouée en concert dès 2001 et a été lancé sur disque en 2009 par Thom Yorke. La transmission 4-5-6 d'Audiomatic sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM avant d'être disponible sur différentes plateformes numériques et ainsi être ajoutée aux archives d'Audiomatic. Une façon d'y accéder est de consulter notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc The Smile et la chanson Feeling Pulled Apart by Horses, qui a été enregistrée en concert au Primavera Sound à Barcelone, en Espagne, à l'été 2022. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. Thank you for having us. Muchas gracias.